Tu rappes toi? Yeah, yeah. Oui, de la cala prod, mon pote. BR. KE. 7, 7 au 5, 7. Coute ça. J'évite le pire car le drame arrive trop vite. J'mène un train de vie dans un compartiment trop vide. Trop speed, trop de style, trop de bitch qui ont cru m'enfumer. Mais eux se sont cramés dans la fumée de trop de spliff. Ouais, j'ai pas le cœur à la fête, comme mélancolique et la prod, c'est mon âme qu'elle affecte. Car ils veulent tout mélanger, mais ce mouvement doit rester intact. Beaucoup de trous de balles, sans parler de tir ou d'impact. Un peu de magie, ouais, c'est ce que j'ai mis. Kaira, je veux bien, mais toutefois avec du génie. La zone je connais, me la fais pas à l'envers. Quand idiotie je commets, je me rapproche de l'enfer. Dans discrétion, je m'enferme, dans RAP, je m'évade. Parfois, je me suis noyé, car je n'ai pas su surfer sur la vague. Donc je replonge encore et encore, et nage à contre-courant dans ce flow qui me travaille au corps. Donc je me retrouve dans les cordes, ouais, je te fais pas de dessin, inutile de planter le décor. J'la lame entre les putes et les porcs, frérot, faut baisser les stores. Je veux pas que mes gosses s'aperçoivent que ce monde il est gore, et qu'faudra casser des portes, KE. Faut bosser dur, chez nous la chance elle c'est du père. J'crois trop la hure et j'crois qu'à force j'ai pris du ferme. Ce qui est sûr, j'ai la persévérance du père. À travers nos serrures, y'a une cellule en guise de peine. Faut bosser dur, chez nous la chance elle c'est du père. J'crois trop la hure et j'crois qu'à force j'ai pris du ferme. Une chose est sûre, j'ai la persévérance du père. À travers nos serrures, y'a une cellule en guise de peine. En pro doute, j'pourrais me tuer sur l'autoroute. Pas de route secours, pas plus de chance que l'auto-foot. Et quand je repense aux peines qu'on prend, franchement ça me dégoûte. Tu veux le cri de l'indépendance, va voir à Beyrouth. Alors décompte, la coupe est pleine quand les problèmes s'écoulent. Attends, je reprends mon souffle pendant que ma tête dessoule. On gardera les pieds sur terre vu que nos rêves s'écroulent. Je parais lunaire car c'est au ciel que Farid et Bast m'écoute. Ici la vie tient qu'à un fil, dealer Kero MC. On peut faire confiance qu'à la famille comme Marlo Stanfield. Alors on pète un cap pour des histoires de thunes. Et moi si je tape un dab, c'est pas pour faire des vues. Je suis dans ma bulle, même les voisins ne me connaissent pas. On vise la lune, mais je crois qu'on s'est perdu dans l'espace. Comment guérir quand les séquelles restent intactes? Tu pourras lire dans mon sourire qu'avec le diable j'ai fait un pacte. C'est l'hécatombe, y'a pas que chez le juge que les peines tombent. Dans le caleçon, y'avait plus d'herbe dans ton gazon. Et pense à moi, envoie de la force à l'occasion. Qu'à eux je rêve de la Corse, pas de leur berline en location.